وقد أمرنا باقتفاء. Quelle est l'inversion du bil-iqtifata ou bil-iqtifa? Bil-iqtifa. Bil-iqtifa, pas bil-iqtifa. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنالهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها منا أو أخبرنا أنها الضلالات منا أخبرنا أنها ضلالات. نعم. Dans d'autres versions, il y a وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. نعم. منا. C'est pas pareil, mais c'est pas faux de dire al-dalalat. Donc l'imam al-Qudam a dit kulluhum muttafiqun, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire, qui est d'accord? Les salafs et les savants parmi les khalafs. Kulluhum muttafiqun ala al-iqrar wal-imrar wal-ithbat. Ils sont tous d'accord sur le fait d'accepter, de rapporter. Al-iqrar, ou d'accepter de rapporter et d'attester ce qui a été rapporté parmi les attributs dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans s'exposer à une interprétation. Et il nous a été ordonné de suivre leurs traces et de suivre leur lumière. Et nous avons été mis en garde contre les innovations. Nous avons été informés que ce sont des égarements, c'est-à-dire les innovations. قال الشيخ الفوزان على الإقرار والإمرار الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يتعرضون عليها هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. Nous, ils sont tous d'accord sur le fait d'accepter et de rapporter. Al-iqrar biha, c'est-à-dire de les accepter ces versets et hadiths qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, wa imrariha, et de les rapporter comme elles nous ont été transmises, sans s'exposer à des interprétations ou à des falsifications, mais nous les rapportons comme elles nous ont été transmises, selon leurs termes et leurs sens, wala yata'arraduna, et ils ne s'exposent pas ou ne les contredisent pas. Ceci est la voix des salafs et ceux qui les ont suivis parmi les khalafs, parmi les savants bien guidés. وَقَدْ أُمِرْنَا, ils nous avons été ordonnés de suivre leurs traces et de suivre et de nous guider de leur lumière. De suivre leurs traces et de nous guider de leur lumière. De suivre leurs traces fait partie de la religion. Comme Michel Fauzen dit, de suivre leurs traces fait partie de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les premiers parmi les muhajirines et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agréés et ils sont agréés d'eux. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Et le prophète a dit suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre leurs traces. والمنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. Et de suivre et de les suivre selon leurs emblèmes ou selon les signes qu'ils laissent. Walmanaru et al-manar signifie un emblème qui est posé sur la route qui permet aux gens de se guider. Ça peut être une lumière ou ça peut être